Peter Friedman frissonne. Au-dessus de sa tête, la lune scintille au milieu des étoiles qui tapissent le ciel nocturne. Son œil ne le fait presque plus souffrir. Il s'est habitué à la douleur. Le bout d'uniforme qu'il a déchiré, afin de nettoyer sa plaie, a été emporté par le vent glacial. La forêt est silencieuse. Plus aucun coup de feu n'est tiré. Il soupire. Tant bien que mal, il essaie de se redresser. Voilà des heures entières qu'il est allongé sous ce bosquet. Des jours, peut-être. Il ne peut le dire. Encore légèrement ensommeillé, il parvient tout de même à s'asseoir. Il souffle posément, puis, doucement, en s'appuyant aux branches de l'arbre et du bosquet. Il se lève. Puis, il part en titubant. Il ne retournera pas au camp. Il ne veut pas tuer ou mourir. Il n'est pas fait pour être soldat. Alors, il marche. Il contemple la lune en rêvant d'Angela.